dame jolie, pour Dieu ne pense mieux que nul est seigneurie sur moi fort vous seulement. Douce dame jolie, tous les jours de ma vie sans nulle tricherie vous essayez.